de que les mettre au compteur. Je reparle pas d'aller avec par bonheur. Je vis plus pas dans la tête des frimeurs. Je suis le feu, là, de mettre ta clopeur. Je me la pète, non mais ouais, j'ai plus l'heure n'importe quoi. Je m'en bats avec salement. Parle de moi, je t'ai débattu ta vie par cœur. Je la connais, Tony Parker. Alidé, d'aligné, d'affilé, d'affilé, rime en maligné. Avisé, les PD, allez, PD, les traits, fume un spliff. Et faniquer ta sœur pour qu'elle puisse. Avoir fait toute sa vie, je suis une mère de merde. Vous allez baigner dans mon rap, tu me tends la main, mais c'est moi qui te rattrape. Double R, Romain bloqué entre les deux personnages. Tu te noies, putain, de toute façon, il faut que personnage. Je suis pas là par hasard, j'absorbe des panames de bâtard. J'envoie des pétales pour madame avant de finir trop pétard. Comme un connard, je me dépétage, je rentre bien trop tard dans un paname qui balade des malades dans un monde de salopards couche tard. Suce-moi, pénage, oui, j'aime mettre des claques, oui, j'aime mettre le mal, oui, j'aime mes décollages. Mes vitesses me perdent au fur et à mesure que la tise m'atteigne, que la bêtise me sépare, des conneries passent. Suce-moi pétasse, oui j'aime mettre des claques, oui j'aime mettre le mal, oui j'aime mettre des collages. Mes vitesses me perdra au fur et à mesure que la tise m'atteigne, que la bêtise me sépare des conneries par centaines. Y'en off les clans comme t'es, film off des tâches, je t'aime. Filo sur ma belle peine, une BM pire qu'une aile. Pas dîner au chandelle, patiner sur sa paire. J'ai pas d'idée de demoiselle, déshabillé resto vert. Par la vie des buts vulgaires, mais t'as kiffé j'fais pervers. Deux trois billets j'clamais, j'ai déjà quitté pour une occasion. J'crois que c'est ta mère, oh c'est pas vrai, elle est merveilleuse. Et chaque facial dans tes yeux, les filles de plus les comptes pas sur les doigts de ma main, je les compte sur les clopes que je fume. C'est pas pour dire mais y'en a plein. À l'avenir je pense que je fais le plein pour ma voiture, mais je profite de ma jeunesse. Donc pour l'instant je me vis dans ta voiture. Double R et deviens quoi, mais ferme ta gueule, je suis pas ton pote. Te check par respect de l'éducation que mes parents m'apportent. Si tu sonnes à ma porte, sur ma vie je vais péter les plombs. Mes problèmes c'est comme les effets de la tise, arrête devant la maison. Suce-moi pétasse, oui j'aime mettre des claques, oui j'aime mettre le mal, oui j'aime mettre des collages. Mes vitesses me perdra au fur et à mesure que la tise m'atteigne, que la bêtise me sépare des conneries par centaines. Suce-moi pétasse, oui j'aime mettre des claques. Oui j'aime mettre le mal, oui j'aime mettre des collages. Mes vitesses me perdra au fur et à mesure que la tise m'atteigne, que la bêtise me sépare des conneries par centaines. Au lieu de se reposer sur le banc de la zone, barbecue sur une viande assaisonnée. Même si j'ai déjà assaisonné, j'ai plus la dalle mais je suis déjà assez sonné. Foncer un décalage horaire entre mon estomac et mon resserre. Assez cogné un bédo avec les poteaux histoire de pas trop se faire voir. Deux trois flics passent nous voir, ton métier c'est pas ta vie gars. Viens le tour de deux trois filles qui font le trottoir. Pour quelques billets on vide notre putain de réservoir. Direction la veuve qui a fait tourner ça comme un joint d'amnésia. La petite que ça se fige, mais sa mère en a 30 fois là. Ça équilibre vite, oui, mais ça sera laquelle qui me branle, qui me lèche le ventre. Sur qui ma vie je trempe, j'avoue, je trempe. J'crois j'en ai trop pris, mais je bande. Capote obligée, je suis obligé de me ralentir en pensant qu'elle peut craquer. Ta mère peut croquer au calme, toute la famille réunie. Voilà ce que j'appelle un dîner de famille. Suce-moi, pétasse, oui, j'aime mettre des claques, oui, j'aime mettre le mal, oui, j'aime mettre des collages. Mes vitesses me perdra au fur et à mesure que la tise m'atteigne, que la bêtise me sépare des conneries par centaines. Suce-moi, pétasse, oui, j'aime mettre des claques, oui, j'aime mettre le mal, oui, j'aime mettre des collages. Mes vitesses me perdra au fur et à mesure que la tise m'atteigne, que la bêtise me sépare des conneries par centaines.